avec le concours d'USA Import Lille et Paris. United.

song, so hold on. Know that this is the one, I need your love. Never knows, just enough fuss. LSI is the bond between us, and I like it like that without any pretense. I need your love, sexual intelligence. Bonjour monsieur, je n'arrive plus à capter votre radio. Vous habitez où ? J'habite la région parisienne. 100.3. Y a de la musique de Sauvage. Ah oui, bah oui, c'est normal. Bien. Et pour le pin de Marscalia ? Alors il faut écrire. Ouais. À énergie 39 Amuliana, 75 116 Paris. Bonjour et bienvenue sur Nouveauté Import. Chaque semaine, sur le 3665 109 109, tu peux gagner des cuirs, des volants moumoutes, des pare-soleils avec ton nom. Dommage, il ne reste plus que 200 appels avant de gagner le téléviseur de Dimitri. Et aussi, tu peux écouter des nouveautés sur Nouveauté Import au 3665 109 109. Tu tapes le 02 et t'as Musique pour supermarché par Serge Leclerc. Tape le 208 et t'as Gérard Calvi and the Furious Five, la complexe de la truite. Et elle nous jouait la truite de Schubert. Tu tapes le 2002 et t'as Robert Derry et Colette Brossé. Arrête, tu nous gonfles avec ton 3665 109 109. Pas besoin de téléphone pour écouter des nouveautés en mono. Qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Il suffit de la radio, il suffit d'écouter le Space Party. La musique de Sauvage. Continue mes bouffoukesh, continue, oui. to go to the moon. We choose to go to the moon. Expansion.